Chapitre 21e, le renouveau. Un an s'était écoulé depuis le départ de Pedro Diaz pour le Mexique avec le capitaine Marisco et la jeune indienne. Le mystère du drame parisien qu'avait eu pour dénouement la mort tragique de Don José, de Carmela et du vicomte Hector de Livran n'avait pas été éclairci malgré l'enquête judiciaire qui avait eu lieu. L'opinion qui avait prévalu, c'est que la créole avait été assassinée par deux ribauds qui ensuite s'était disputé la possession des trésors de la belle étrangère. Sœur Joanne Asley, le lendemain des funérailles de José, avait annoncé à son club son départ pour l'Amérique et depuis, Paris ne l'avait plus revue. La duchesse, presque aussitôt après son veuvage, était partie pour les Pyrénées, d'après les conseils du docteur Nathan, qui avait déclaré que la santé chancelante de la petite Jeanne exigeait un climat tempéré. Le marquis de Kerdel avait accompagné sa nièce dans ce voyage et le duc Jean, qui avait repris sa véritable personnalité, les avait suivis. Si nous pénétrons dans une des vallées les plus pittoresques qui avoisinent les frontières d'Espagne, nous y verrons Fernand des gens rivalisant d'efforts pour disputer à la mort la frêle créature qui leur est si chère. Le site où nous allons conduire le lecteur est ravissant. Les montagnes qui dominent cette étroite vallée sont couvertes de forêts centenaires. Sur leurs cimes se dressent de gigantesques sapins dont les masses noirâtres paraissent et disparaissent sous les vapeurs qui s'élèvent en moutonnant. Plus bas, des frênes, des bouleaux, des hêtres et des chênes, sur lesquels le printemps a jeté sa robe verdoyante, mêlent et confondent les tons variés de leur feuillage dans un ensemble harmonieux. Tout contre la montagne, un village s'échelonne en gradins, et sur la partie la plus haute, on aperçoit une vieille église romane dont les murs sont tapissés de lierre. Derrière la maison de Dieu se trouve la maison des morts. Mais son aspect n'a rien de sinistre. Point d'ifs, point de cyprès, point de saules pleureurs autour des tombes, mais des buissons de lilas blancs en fleurs sur les tombeaux des enfants et des vierges. Les rossignols aiment ces ombrages qui protègent leurs champs et leurs amours. Sur l'autre versant de la montagne, à l'opposé du village, s'élève également en amphithéâtre un chalet élégant. Là aussi, tout est verdure et fleurs. Sur le devant, une pelouse étend son velours pointillé de petites corbeilles embaumées et aux couleurs éclatantes. Sous le toit du chalet qui surplombe est un large balcon en bois découpé. Une jeune femme, d'une adorable beauté et d'une souveraine élégance, est assise sous cet abri champêtre. En face d'elle, un homme jeune, à la physionomie fière et douce tout à la fois, se tient debout. Tous les deux ont les yeux fixés sur un berceau dans lequel sommeille une enfant. « Mon ami, » dit Fernande, je regrette presque que vous ayez mandé le docteur Cavarox. Jeanne va beaucoup mieux, et depuis quelques jours, elle semble se reprendre à la vie. Ah, s'il ne fallait donner que la mienne pour sauver cette chère existence, mon sacrifice serait bientôt fait, répondit le jeune homme, en attachant un tendre regard sur sa compagne. Vous êtes bon comme le bon Dieu, mon cher Jean, reprit celle-ci, en tendant sa main mignonne, et cependant Jeanne n'est pas votre fille. Étant vôtre, elle est mienne depuis qu'un prêtre a béni notre union. Repartit Jean de Clodion en posant ses lèvres sur la main qui lui était tendue. La petite Jeanne s'éveilla en ce moment. Son premier regard fut pour sa mère, puis elle se tourna vers Jean lui disant « Père !»« Oui, ton père, ma chère enfant, » dit le duc d'une voix attendrie. « Si nous profitions de cette tiède matinée pour faire une promenade, mon ami, » reprit Fernande, « les promenades, vous le savez, nous ont été recommandées pour l'enfant par ce bon docteur Cavarox. » Le duc fit un signe d'assentiment et agita un timbre. Une jolie fille, vêtue du costume pittoresque des paysannes du pays, accourut. « Habillez Jeanne, nous allons l'emmener avec nous, » dit la duchesse. « Accompagnerai-je, madame ?» demanda la jeune servante. « Non, vous passerez ma fille dans sa petite voiture à main et je la conduirai. » Peu de temps après, le duc et la duchesse de Clodion s'acheminaient vers le village. Sur leur passage, les hommes se découvraient respectueusement et les femmes et les enfants se pressaient au-devant d'eux pour leur souhaiter la bienvenue. Et Fernande, qu'on avait surnommée la bonne dame, faisait entendre aux mères une douce parole, aux enfants une caresse, le tout accompagné d'une pièce de monnaie. Lorsqu'on fut arrivé devant l'église, Jeanne fit comprendre qu'elle voulait entrer dans le jardin qui se trouvait placé derrière, le jardin embaumé par les lilas en fleurs où les rossignols chantaient. Jean essaya de l'en détourner, mais il fallut céder aux caprices de l'enfant. Jeanne, en passant devant de petites tombes, eut envie d'une touffe de lilas blanc et la duchesse, quoique vivement impressionnée, l'accueillit et la lui donna. De retour au chalet, Jeanne fut prise tout à coup de frissons. les roses que le grand air avait mises sur ses joues s'effacèrent, et une teinte couleur de cire les remplaça. Puis ses yeux s'ouvrirent démesurément et semblèrent regarder sans voir. « Mon Dieu, qu'a-t-elle donc ? » s'écria Fernande épouvanté. Bien vite, on remit Jeanne dans son berceau, mais malgré tous les soins qui lui étaient prodigués, son mal s'aggrava. La pauvre mère au désespoir sanglotait. La douleur de Jean, non moins grande, était silencieuse. Tous les deux passèrent la nuit au chevet du lit de Jeanne. Le lendemain, le docteur Cavarox arrivait au chalet. « Ah, c'est le ciel qui vous envoie !» s'écria le duc en l'entraînant près de l'enfant. Cavarox examina attentivement la petite malade, puis l'ausculta, et son visage se rembrunit. « Parlez, parlez !» firent à la fois Fernand et Jean, qui attendaient avec anxiété le résultat de l'examen. « Je crains bien que vous ne m'ayez appelé trop tard, » répondit le docteur. « Cette pauvre enfant est sous le coup d'une infiltration séreuse, dont la cause remonte au défaut de soins qu'on a eu d'elle pendant le temps où elle a été séparée de vous. J'essaierai de répulsifs énergiques, mais je ne puis rien garantir. » Tout ce que la science pouvait faire fut tenté, mais en vain. D'heure en heure, de minute en minute, Jeanne s'affaiblissait, sa respiration devenait plus difficile et le froid de la mort gagnait les extrémités. Jeanne, à la suite d'une crise, parut tout à coup calmée et ses yeux se fermèrent. « Enfin elle dort !» dit la duchesse qui espérait encore. Cavarox prit une glace et la plaça devant les lèvres entrouvertes de l'enfant. La glace ne se ternit pas. L'âme de Jeanne était remontée au ciel, cette patrie des anges. Le surlendemain, une nouvelle petite tombe avait été creusée dans le cimetière du village, entre deux lilas blancs, et la fille de Fernande et de José y reposait dans son dernier sommeil. Après la cérémonie funèbre, le docteur Cavarox, prenant à part le duc de Clodion, lui dit « Emmenez sur le champ la duchesse, un plus long séjour ici lui sera funeste. »« Mais celle-ci refuse, » répondit Jean. « Celle-ci refuse, » répliqua Cavarox, « emmenez-la de force, sinon ce sera sur deux tombes que vous irez avant peu vous agenouiller. » 3 mois se sont écoulés. La duchesse porte toujours dans son cœur le deuil de sa chère petite morte, mais sa douleur a quelque chose de résigné. Elle aime, elle est aimée, et sous l'influence de ce double sentiment, elle se reprend à espérer et à vivre. Quant au marquis de Kerdal, il a rajeuni de 10 ans. Plus que jamais, il chasse à outrance, et lorsque son neveu Jean, le véritable celui-là, l'accompagne dans ses parties de chasse, la compagnie du grand Saint-Hubert lui-même ne lui serait pas plus agréable. Dans ce milieu calme, où le bonheur semble vouloir enfin bâtir son nid, on évite avec soin de parler du passé, qui rappellerait de trop poignants souvenirs. Cependant, un événement les a réveillés un moment. Un soir, après le dîner, le marquis et le duc venaient de passer dans ce fameux fumoir que nous connaissons, lorsque Pedro Diaz se présenta inopinément devant eux. Jean, en l'apercevant, courut à lui les bras ouverts. Le Texien s'y précipita. Leurs épanchements terminés, Jean de Clodio interrogea Pedro du regard. « L'expiation a eu lieu, monseigneur, » répondit le brave serviteur. Et il raconta en peu de mots les divers incidents qui avaient précédé son arrivée au campement du chef indien et comment la compagne de Maresco, après avoir mis fin au supplice de celui qu'elle aimait, s'était frappée au cœur d'un coup de poignard. « Quel homme que cette femme-là !» dit le marquis à Pedro Diaz, puis, se tournant vers Jean, « Votre père est enfin vengé, » ajouta-t-il en forme de conclusion. « Jetons un voile sur le passé, » répondit le duc de Clodion.